Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle leçon intermédiaire sur FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Hi, I'm JP. Salut, JP. Salut. Today, it looks like we're going on a field trip. The name of our lesson is School Trip to the Seaside. Oui, ça me rappelle les souvenirs quand j'étais à l'école et on partait. C'est presque des vacances. Almost, but you were with your teacher. And... Oui, c'était intéressant. Absolutely. And today, we're going to the seaside, right? Oui, on va sur la côte française, sur la côte atlantique. OK. Juste à côté de l'Espagne. C'est là que les élèves doivent se rendre. Mais est-ce que ça va être le cas pour notre personnage dans ce dialogue? Ok, we're gonna find out if Arnaud is gonna go or not. Before we listen to the dialogue, what is our key word? Crustacés. Crustacés, this is crustaceans, right? So these are all the mollusks, the clams and the mussels and all those delicious things that you find on the coast. J'aime beaucoup les crustacés et je suis impatient d'écouter le dialogue. Alors c'est parti! Comment s'est passée ta journée, Arnaud ? Super bien, maman. Aujourd'hui, la maîtresse nous a parlé d'un projet. Elle veut qu'on parte en classe de mer. C'est vrai ? Où ça ? Dans le sud de la France, à Biarritz. Quand ça ? Et pour combien de temps, tu sais ? En mai, pour 6 jours. Allez, dis oui, s'il te plaît. Tous mes camarades vont y aller. En plus, la maîtresse a dit qu'on allait observer les crustacés, aller pêcher et ramasser des coquillages. Je vais apprendre plein de trucs. Il faut d'abord que j'en discute avec papa. Ensuite, on verra. Mais si tu y vas, il faudra que tu apprennes à nager. Et nous revoilà. Donc, c'est pas encore sûr pour Arnaud, mais je crois que c'est en bonne voie. She's gonna let him go. Papa will say yes. Je crois, ouais. Mais donc, il a dû en parler à sa mère en revenant de l'école. Et donc, quand elle le voit, elle lui demande « Comment s'est passée ta journée, Arnaud ?»« Super bien, maman. » Donc, évidemment, il est positif, il est content, pour pouvoir annoncer à sa mère le projet dont la maîtresse a parlé aux élèves. Ok. Et quel est ce projet ? Elle veut qu'on parte en classe de mer. Voilà. Donc, les classes de mer. So, this is a field trip, right? Oui. But this is specifically a field trip to the ocean. Voilà. Parce qu'il en existe deux types. Il y a les classes de neige. OK. That's a snow trip or a ski trip. Oui, qui se déroule donc à la montagne. Et donc, comme tu dis ici, les classes de mer qui sont au bord de l'océan ou près de la mer. I think in English, we don't differentiate. It's just field trip. Field trip to the mountains, field trip to the ocean. D'accord. Yeah. Et donc, sa mère lui pose des questions. Elle dit, c'est vrai? Où ça? Où ça? So where is that, right? You see the word où, which is where, but you often hear French people saying où ça, where's that, instead of just saying où. Oui. Et donc il lui répond que la classe de mer se déroule à Biarritz. Oh, have you been to Biarritz? Oui, je suis passé. Et c'est vraiment très joli. Absolutely. That's the French Basque country, right? Exactement. D'ailleurs, au passage, il y a un entrepod sur le Pays Basque que je conseille à tous les auditeurs d'écouter. Ok, we should listen to that. Et donc c'est dans le sud, et maintenant qu'elle sait où il devrait aller, elle veut savoir... Quand? Donc elle demande quand ça? Quand ça? She doesn't just say quand. Encore une fois. Right. Comme tu dis en français, dans le langage familier, on rajoute le ça juste après. But she also wants to know how long he's going. Donc elle demande et pour combien de temps? Okay, now take a look at that pour, right? For how long? Whenever French people are going to ask you a question with the preposition, that same preposition is going to be in the answer. So the answer is en mai pour 6 jours. Voilà. D'ailleurs, je sais que tu pars bientôt en vacances, JP. Yes, tomorrow. Et pour combien de temps tu y vas? Pour 15 jours. Pas mal. Alors, il a préparé son argumentation. Donc, il dit à sa maman, « Allez, dis oui, s'il te plaît. Tous mes camarades vont y aller. » OK. So, this is the verb « aller » and it's in the future tense. « Vont aller. » They're going to go. And you notice that there's this little pronoun « i » right before the infinitive. « Vont y aller. » Right, they're going to go there. They're going to go on the trip, right? Voilà. They're going to go to Biarritz. Voilà. Et donc, ce pronom remplace l'endroit. Et c'est vrai qu'en français, quand on parle du futur, même si c'est assez éloigné, on utilise souvent la structure aller plus infinitif. Alors, pour la convaincre, il dit également... En plus, la maîtresse a dit qu'on allait observer les crustacés. Okay, that's our keyword, crustacés. And you can see that, again, we have aller plus an infinitive, observer. Aller... Pêcher. Go fishing, right? Oui. Et ramasser des coquillages. Okay, les coquillages are the shells, right? Just the shells of the crustaceans. Oui. And ramasser means to go collect them. They're going to go gather them. Les enfants adorent ça. Right. Donc il faut laisser Arnaud y aller car il va apprendre plein de trucs. Okay, I'm going to learn so much stuff, right? Plein de trucs. That's literally full of stuff, right? Ouais. I'm going to learn so much, mama. Mais bon, elle dit, il faut d'abord que j'en discute avec papa. Okay, je discute, I have to speak with papa, right? Mm-hmm. But here we have j'en discute, right? Which means I have to talk about it with him. Okay, that en is about it. In French, that would be de cela, right? But instead of saying je discute de cela avec papa, we're going to say j'en discute avec papa. Voilà. Ensuite, on verra. Mm-hmm, we'll see. Et comme on disait tout à l'heure, on pourrait dire on va voir. Mm-hmm. Et donc elle termine et lui dit... Mais si tu y vas, il faudra que tu apprennes à nager. Okay, it'll be necessary for you to learn how to swim. Okay, now you might notice that apprendre is a different form that you might not be familiar with of apprendre, which is to learn. And this is the present subjunctive. It goes with il faudra, it's necessary that you learn. There's actually two more present subjunctives hidden in this dialogue above. C'est vrai, au début du dialogue, Arnaud dit « Elle veut qu'on parte en classe de mer ». Donc « parte » est un subjonctif présent car il y a « elle veut que » devant. Et à la fin du dialogue, lorsque la maman dit « il faut d'abord que j'en discute avec papa », « discute » est aussi un subjonctif présent qui est ici demandé par « il faut que ». You can see it here in « apprenne ». Il faudra que tu apprennes à nager. You must learn to swim. Et oui, c'est une mère, elle est inquiète, donc elle veut être sûre que son fils n'ait pas de problème s'il va en classe de mère. Mm-hmm. Donc on la réécoute et on réécoute Arnaud juste maintenant. Comment s'est passée ta journée, Arnaud ? Super bien, maman. Aujourd'hui, la maîtresse nous a parlé d'un projet. Elle veut qu'on parte en classe de mer. C'est vrai ? Où ça ? Dans le sud de la France, à Biarritz. Quand ça ? Et pour combien de temps, tu sais ? En mai, pour 6 jours. Allez, dis oui, s'il te plaît. Tous mes camarades vont y aller. En plus, la maîtresse a dit qu'on allait observer les crustacés, aller pêcher et ramasser des coquillages. Je vais apprendre plein de trucs. Il faut d'abord que j'en discute avec papa. Ensuite, on verra. Mais si tu y vas, il faudra que tu apprennes à nager. Donc nous revoilà. Comme je le disais, j'espère que les parents d'Arnaud vont le laisser y aller. I hope so. Ouais, parce que généralement, ces classes de mer ou les classes de neige sont de formidables excursions. Okay. Have you been on one of these field trips? Oui. Je ne suis pas allé en classe de mer, mais je suis allé en classe de neige. Wow, what do you learn in class de neige? Le matin, on avait des cours où on apprenait la géographie des montagnes et aussi le mode de vie des gens qui vivent à la montagne. Right. Donc c'était vraiment intéressant. Nous qui venions plutôt de la ville, mm-hmm. c'est différent de vivre en altitude parce que généralement c'est rural. Okay. Ils habitent vraiment dans des villages mm-hmm. où il y a des touristes l'hiver et l'été et puis sinon il y a pas grand chose entre temps. Okay. So what did you do after the educational part? Après on était quand même contents, on pouvait aller skier ou bien il y avait la luge, on pouvait s'amuser dans la neige. Wow. Okay. J'ai des amis qui sont allés en classe de mer mm-hmm. et qui m'ont dit aussi que c'était très intéressant où là, on apprend beaucoup plus à propos de la mer et donc et de son respect au niveau écologique et aussi de toute la vie qu'on peut trouver au bord de mer. Uh-huh. Donc les enfants apprennent énormément et puis en même temps, bon, bah, c'est vrai qu'ils peuvent s'amuser. Right. Donc toi, tu y es allé aussi ? We went on field trips, but we never went for 6 days. You know, a one day field trip. And it was never to the beach. It was always to, you know, I grew up in the Northwest, so it was to like the fishery or to the government offices. It wasn't as fun as it wasn't as fun as the seaside or the mountains. Pourtant, je croyais que comme tu étais aux États-Unis, tu vois, les États-Unis, c'est grand. Ils t'auraient emmené au parc du Yellowstone. Tu vois, tu peux pas le faire en un jour ou bien au Grand Canyon. No, we have to do that with the family in the summer. Ah, d'accord. Voilà, donc si vous avez des souvenirs de votre enfance concernant ces excursions également, n'hésitez pas à venir nous les faire partager sur la page de discussion et donc partager ça tous ensemble. Sur ce, on se revoit bientôt. À bientôt. Salut.